Trumpologie, pour ceux qui doutent encore de Trump. Mauve Berger a posté le 26 juin 2021. Pour ceux qui doutent encore de Trump et ou ne comprennent pas sa stratégie et son génie, je vous rassure tout de suite, la plupart des journalistes de la planète n'ont rien compris non plus à sa stratégie. Pour ceux qui pensent qu'il fait partie de l'opposition contrôlée, pour ceux qui pensent que Q est une psy-op, voici l'intégrale des Trumpologies 101 à 105, une extraordinaire analyse d'Alexis Cossette, et en bonus, Q pour les sceptiques. Vous trouverez les liens dans le descriptif de ce podcast. Je vous invite vivement à les suivre. Analyse complémentaire par Thierry Pirlo, Sherpa One. Alexis Cossette, de Radio-Québec, résistant de la première heure, ressort une compilation de ses fameuses Trumpologies 101 à 105, censurées par YouTube, qui relate la façon dont Donald Trump s'y est pris depuis 2015 pour mener son combat contre le Deep State en restant fidèle aux principes de l'art de la guerre de Sun Tzu. Ce récit passionnant nous permet de comprendre les véritables enjeux du premier mandat de Trump et d'identifier notre véritable ennemi. Qui est derrière cette pandémie? Et vers quel avenir nous dirigeons-nous? Ces petites vidéos trumpologiques de 2018 m'ont donné envie à l'époque de comprendre qui est vraiment Donald Trump et à quel point l'immense majorité de la population se fourvoie, aveuglée par le narratif des médias mainstream, qui, une fois n'est pas coutume, nous raconte précisément l'histoire inverse. Pour comprendre également pourquoi Trump sera de retour d'ici 2024, il faut avoir conscience de la guerre qui fait rage aux États-Unis depuis des décennies entre le Deep State et l'Alliance, et cela depuis la mort de JFK. On apprend qui sont les vrais imposteurs et quel est le vrai visage du Parti démocrate complètement infiltré par le Parti communiste chinois, dont les milliards de pots de vin ont permis d'installer un ennemi à l'intérieur de tous les gouvernements, par le biais de la corruption, du chantage sexuel, de la menace. C'est une histoire invraisemblable et délirante, dépassant les meilleurs romans de Tom Clancy. Les vérités et les révélations qui vont prochainement se faire jour de manière exponentielle risquent de plonger l'humanité dans la sidération. Les médias contrôlés et aux ordres ont totalement falsifié les réalités du passé. Qui étaient les gentils et les méchants? Ils ont tout inversé, de façon à nous garder sous hypnose collective. Les gens détestent Trump, sans trop savoir pourquoi. Ceci est voulu. C'est le résultat d'un travail insidieux de l'État profond depuis toutes ces années pour nous faire obéir à leur nouvel ordre mondial et à nous maintenir en totale dissonance cognitive. Mais malheureusement pour eux, il est trop tard. Ils ne pourront pas terminer ce qu'ils ont commencé. Q, l'intelligence militaire US de la NSA, a désormais le contrôle total et leur a coupé l'herbe sous le pied. Le projet mortifère des élites globalistes, avec notre mise en esclavage en mode dictature 2.0, basée sur les modèles communistes et marxistes, ne verra jamais le jour, à notre grand soulagement. Dans cette guerre asymétrique de l'information, les combattants de l'ombre sont les Anons de Q. Ce sont des soldats numériques qui, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, infléchissent le narratif des médias par le partage d'une information alternative issue du décodage des milliers de drops de Q. C'est la plus vaste opération de contre-information en temps de guerre qui repose uniquement sur la croyance en une alliance de patriotes, laquelle œuvre en secret et pour le bien de l'humanité. Cette guerre moderne n'a qu'un seul et unique enjeu, l'information. Cette information était encore détenue il y a moins de 3 ans par 95% des médias corrompus. Aujourd'hui, c'est à peine 60% grâce au travail intense de partage des éveillés et des lanceurs d'alerte. Certes, Ils sont encore nombreux à vivre dans la peur et l'incertitude, effrayés par tout ce qui se passe dans le monde. Mais sachez que le meilleur arrive et que l'ombre retournera à l'obscurité. Le futur sera biblique. Prenez votre temps et écoutez Alexis. Vous ne regretterez pas le voyage et vous comprendrez également ce qui s'en vient et que rien ne pourra arrêter. Le retour de l'oncle d'Amérique est pour bientôt. Ce sera notre salut à tous. Reprenons notre destin en main. Cela commence par la compréhension, car c'est de notre ignorance qu'ils tirent leur plus grande force. The best is yet to come. Where we go one, we go all. Un pour tous, tous pour un. Sherpa One.